Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Au-delà du clitoris, une série de Nejma Bouakra. Au départ de cette série, il y a ce clitoris en 3D qui a fait le tour des réseaux sociaux et cette impression qu'on pouvait aller plus loin pour tenter de faire le tour de la question, qui en revient souvent à une certaine inquiétude face à la sexualité des femmes. Alors pour commencer, les personnages. Un historien des sens, une historienne de la sexologie, une philosophe du corps, une historienne qui raconte et Marie Bonaparte. Ensuite, le décor. Des traités moraux ou médicaux, le mariage, la procréation, la masturbation, le plaisir qui fait peur, l'hermaphroditisme, des scalpels enthousiastes, la religion, des clitoridectomies, le contrôle, des machines à coudre, la psychanalyse et une opération. Aujourd'hui, deuxième épisode, on épelle et on éloigne les petites oreilles sensibles. C'est L-I-T-O-R-I-S. Au-delà du clitoris. C-L-I-T-O-R-I. Panique sexuelle. S. Un documentaire de Nejma Bouakra. Faut-il un mot pour désigner la chose? La seule attestation lexicale suffit-elle pour donner au clitoris un mode d'existence? L'expérience sensuelle semble plus disserte que les bréviaires médicaux. Feindre l'ignorance, puis par un simple geste de reconnaissance le faire apparaître, ou rebrousser chemin et le faire disparaître dans le maquis d'un territoire inconnu. Tant d'ellipses, d'orages soudains, d'éclipses brutales, éludent le clitoris, et le septième ciel s'espace. Doter les femmes d'un organe dédié au plaisir, cela n'est pas jupitérien. La foudre peut s'abattre sur terre, les déesses continueraient à danser sous la pluie. La science anatomique est précise, mais ces objets instables. L'époque moderne, de la fin du Moyen-Âge à la Révolution, ne s'arc-boute pas sur la différence des sexes. Si le sexe féminin est l'envers du sexe masculin, tel un gant retourné, l'un et l'autre se correspondent terme à terme, s'assemblent. La sexuation des corps est affaire de fluide, d'humeur, bref, de degrés. Mais l'étalon, c'est l'homme. Pourquoi attribuer un organe inutile aux femmes? Que faire de cette petite protubérance, là, cette chose insignifiante, se révélerait-elle menaçante? L'on épuiserait plutôt la mer et prendrait plutôt les astres avec les mains que de rompre les mauvaises inclinaisons de cette jeune fille. Souvent, c'est comme de l'eau qui, tombant dure de la chaux, les excite et les échauffe davantage. Nicolas de Venette, Traité de l'amour conjugal, 1686. Alain Corbin, vous écrivez « Il faut se méfier du préjugé dont pourraient être victimes des historiens et plus encore des historiennes, peu désireux de s'attarder sur la portée sensuelle des textes qu'ils étudient et enclins par pruderie à focaliser leurs analyses sur des interprétations politiques paraissant plus convenables. » Qu'est-ce que c'est la portée sensuelle des textes qui vous ont intéressé? Les textes auxquels je me suis intéressé, c'est-à-dire les textes des médecins, des confesseurs, des libertins, traitent vraiment des relations sexuelles de la meilleure de manière, selon eux, sans préjugés vraiment. Donc, il faut les prendre, il faut les écouter, il faut surtout les comprendre. Adopter une optique compréhensive, ce qui n'est pas si facile pour nous, parce que le vocabulaire n'est pas le même, parce que les émotions ne sont pas les mêmes, parce que les connaissances, bien sûr, ne sont pas les mêmes, parce que les pratiques ne sont pas les mêmes, etc. On n'employait pas le mot sexualité, mais on employait le mot sexuel à l'époque, c'est-à-dire entre 1770 et 1860, un grand siècle. le grand siècle d'avant la sexologie. La relation sexuelle est perçue comme convulsive. Et les médecins souhaiteraient que cette convulsion se fasse aussi bien chez la femme que chez l'homme, marié, et au même moment. Je crois que c'est le professeur Moreau de Tours, mais j'en suis pas sûr, qui parle de nous emploierions l'expression orgasme simultané. Lui, il parle de spasme isochrone. C'est quelque chose de tout à fait parlant, hein, d'une certaine façon. Et donc, cet accord devait se faire assez violemment et assez rapidement. C'est-à-dire que l'homme est viril. Il doit enfourcher la femme et la pénétrer d'une façon très forte, très virile, comme s'il prenait une citadelle, dit-on, vous voyez. Et donc, c'est ça qui fera jouir la femme. Hein. Et d'autre part, il doit faire ça assez vite, parce que la femme fait assez vite ce qu'on appelle les yeux blancs. Cette expression, on a employé aussi plus tard l'expression de petite mort, hein, c'est-à-dire, c'est ça le spasme isochrone, quand tout marche bien, quand l'harmonie des plaisirs se développe, se déploie plus exactement entre les partenaires. Le couple est tenu à une sorte de volupté conforme, hein. Est-ce qu'il y a déjà mention du clitoris ? Oui, alors là, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a quelque chose que aussi bien les médecins que les théologiens que les confesseurs voudraient éradiquer, c'est ce que nous appelons le coït interrompu. C'est-à-dire l'homme se retire pour ne pas engrosser la femme. Alors les médecins appelaient ça la fraude conjugale. Et les théologiens appelaient ça onanisme conjugal, parce que dans la Bible, onan, c'était retiré. Donc ça, c'est une sexualité conforme, est une sexualité qui ne pratique pas la fraude conjugale ni l'onanisme conjugal. C'était votre première question. La deuxième question concerne le clitoris. Alors, effectivement, où se situe le plaisir féminin? D'abord, il y a quelque chose qui a perduré assez longtemps et qu'on retrouve dans le peuple, même au milieu du XIXe siècle, c'est que si la femme n'a pas joui, elle ne risque pas la grossesse. Je prends l'exemple de consultation de médecins qui disent « Mais madame, vous attendez un bébé, vous êtes enceinte, comment ça ?» Mais je n'ai jamais éprouvé de plaisir. Ça, c'est quelque chose qui était assez enfoui dans les mentalités populaires. Alors malheureusement, la culture la plus populaire... Sylvie Chaperon, historienne. Elle est très peu transmise parce qu'elle est orale. Hein, mais tous ces proverbes, par exemple, gratte-toi le devant, c'est assez explicite quand même. Hein, et ça veut dire, tu attendras avant de te marier. Gratte-toi le devant, par exemple. Mais ça... C'est la culture orale qui nous le transmet, et donc on a très peu de choses. Après, on a la culture des clercs, hein, ceux qui savent écrire, qui est beaucoup plus savante. Mais bon, effectivement, il y a dans la culture religieuse, et notamment parce que de plus en plus, le catholicisme vise à contrôler les corps et les pratiques de façon assez précise, et dans le rituel de la confession, qui est instauré de plus en plus à partir du XIIe siècle, bien vous avez des guides. Hein. On guide le prêtre qui va faire la confession pour savoir quelle pratique est licite, quelle pratique est illicite, les crimes contre nature ou les péchés véniels. Donc il y a tout un questionnaire dans ces pénitentiels, hein, c'est-à-dire les guides pour faire la pénitence. Et là-dedans, alors le terme de clitoris, je ne sais pas s'il est vraiment présent, mais en tout cas, il est clairement dit que les femmes, par exemple, si elles ne sont pas satisfaites après l'acte sexuel, pendant l'acte sexuel, peuvent se caresser. Ou qu'il est licite de caresser les femmes, hein, si elles n'ont pas été satisfaites pendant le... Donc il y a aussi, hein, en dehors des anatomistes ou des médecins, il y a aussi d'autres lieux où on parle effectivement du corps des femmes. Le tableau de l'amour conjugal de Nicolas de Venette, publié en 1686, sera réédité plus d'une trentaine de fois jusqu'en 1903. L'ouvrage prodigue des conseils érotiques et des considérations sur l'art et la manière de s'épanouir dans les liens sacrés du mariage. Il importe de savoir comment l'on est fait et comment on doit user des plaisirs de l'amour. Le médecin sexologue avant l'heure veut instruire le petit peuple. Un homme est bien surpris la première nuit de ses noces quand, dans la chaleur de sa passion, touchant sa femme avec tendresse, il ressent un membre aussi raide que le sien qui lui frappe le ventre. Stupéfait, le mari est d'abord inquiet et refroidi, mais sa compagne parvient à le convaincre de son sexe et de sa bonne foi, croyant que toutes les femmes sont faites comme elle. Elle lui dit que pendant l'hiver, le froid fait presque entièrement retirer son clitoris, et qu'en ce temps-là, il ne paraît pas plus long ni plus gros que la moitié du petit doigt, mais que dès que la chaleur de l'été se fait sentir, cette partie se grossit et s'allonge extrêmement. Nicolas de Venette, tableau de l'amour conjugal. Au fond, il y a, on pourrait parler d'une sorte, comme on dirait aux États-Unis aujourd'hui, de panique morale qui est perceptible dès le XVIIe siècle. Delphine Gardet, historienne et sociologue. Dès après les travaux de Fallopio et de Colombo, avec cette idée que finalement, comme il y aurait donc cette chose en trop, qui est cette petite verge, il faut lui trouver une signification. Alors soit on dit qu'elle témoigne de cette anatomie particulière des hermaphrodites, soit on va voir apparaître une autre hypothèse, c'est qu'on voit apparaître l'idée qu'il y aurait des femmes, qu'on va donc nommer tribades, qui seraient dotées de cet organe, et que cet organe est toujours placé du côté de la verge, cette fois, le clitoris, puisqu'on imagine que les tribades sont justement celles qui font usage de cette petite verge pour pénétrer d'autres femmes. Ici, la tribade, elle est la figure la plus dangereuse, puisqu'elle ne se soumet pas à la domination masculine, ni du point de vue symbolique, ni du point de vue sexuel, ni du point de vue du pouvoir, et elle usurpe le pouvoir masculin. Donc ça, c'est une thématique qu'on retrouve au XVIIe, XVIIIe dans toute l'Europe, avec notamment la figure des « female husbands », qui sont donc ces femmes dont on découvre, alors femmes, on ne sait pas, le statut de genre est questionnable, à l'issue d'un accident, alors qu'elles vivaient sous l'identité d'homme, l'identité sociale, parfois même l'état civil d'homme, quand il pouvait y avoir des arrangements. Certaines d'entre elles étaient donc mariées, hein, c'est ça qui occasionne des procès, et on découvre à l'occasion d'un accident, d'un décès, qu'en fait, le statut de leur corps est beaucoup plus problématique et on commence à se demander, mais étaient-elles des hommes ou des femmes? Étaient-elles des hermaphrodites mâles, des hermaphrodites femelles? Et dans un des cas célèbres où justement cet homme bûcheron a un accident et donc un arbre tombe sur son corps qui dénude une poitrine qui devient problématique, qui donc invite les autorités médicales à regarder l'ensemble du corps, à faire toute une série d'expertises, eh bien les disputes sont longues. Sa femme, celle qu'il a épousée, il va falloir définir est-ce qu'elle l'a épousée en sachant qu'il avait usurpé l'identité d'homme, ou bien est-ce qu'elle a été induite en erreur. Et donc, dans un cas, on peut passer sur au bûcher, être exécuté. Donc vous voyez, toutes ces questions sont assez dramatiques. Mais ces questions, elles nous intéressent pour nous rappeler qu'il n'y a pas d'évidence en cette époque du statut entre guillemets, naturel des corps. C'est-à-dire que c'est l'identité sociale, le rôle social, le fait de jouer son rôle de bûcheron, de mari, qui fait l'identité de la personne. Mais si l'on parle du clitoris, il semble être le pendant du phallus. Donc il est quand même pensé terme à terme. Oui, oui, c'est-à-dire que en fait, et c'est ce qu'on appelle l'androcentrisme dans les sciences, c'est-à-dire que les hommes voient le corps des femmes à travers leur propre corps. Sylvie Chaperon. C'est-à-dire que leur propre corps est posé comme la norme, l'universel, et les femmes sont spécifiées par rapport à ce corps normal, et d'ailleurs le plus abouti, hein, parce qu'Aristote le dit clairement, le corps masculin est abouti, il est achevé, le corps féminin ne l'est pas. Donc il y a toujours une hiérarchie, hein, quand on voit le corps des femmes à travers le corps des hommes, il est moins bien, inachevé, imparfait. Est-ce que c'est pour cela que parfois, dans des dessins ou des représentations des clitoris, il apparaît comme assez proéminent? Oui, alors Ludwig von Kobold, en fait, il reprend les anatomistes, y compris les Colombo, Fallope, Vézal, mais aussi tous ceux du XVIIe, du XVIIIe. Hein, donc, il tient à montrer l'homologie entre la verge et le clitoris. Et donc, effectivement, il y a des planches anatomiques. Bon, c'est pas lui qui les a réalisées, c'est toujours des dessinateurs. Mais où, visiblement, l'objectif de ces planches était de montrer que le clitoris... Alors, toute la chair, toutes les chairs sont retirées, tous les muscles sont retirés. Ne reste que le clitoris gorgé de sang en érection. Donc, grossi, volumineux. Et les bulbes. Et on dirait presque des testicules, ces bulbes. Parce que ça apparaît comme deux trucs qui pendouillent sous une verge. Donc, quand on regarde cette image au premier abord, on dit, ben, c'est un sexe d'homme. Et il faut vraiment lire la légende pour voir que c'est un clitoris. Et d'ailleurs, la légende dit explicitement clitoris gonflé pour montrer sa ressemblance avec la verge. Alors, la grosse différence, tout de même, parce que Kobold affirme qu'il y a érection de part et d'autre, hein, ce qui est quand même... l'érection du clitoris, c'était un peu passé sous silence quand même. On admettait qu'il y avait une érection, mais l'érection étant par définition le symbole de la virilité et de la masculinité, dire qu'il y a une érection chez la femme, ça gênait un peu aux entournures des anatomistes et des physiologistes quand même. Donc on le dit, mais sans insister. Lui, il insiste lourdement dessus. Par contre, ce qu'il dit, c'est que l'érection ne se fait pas vers le haut. Le clitoris descend vers le bas. Et c'est pour, dit-il, frotter la verge au moment du coït. C'est-à-dire qu'il invente aussi une physiologie du coït où verge et clitoris se retrouvent en friction et où donc le plaisir partagé découle de cet acte sexuel unique, qui est vu comme le seul licite d'ailleurs par les médecins, par la religion, par tout le monde. À quelle date précisément ? Alors, nous sommes en 1841, édition allemande, 1851, traduction française. C'est sûr que tous ces anatomistes, quand ils écrivent et comparent la verge et le clitoris notamment, ils ont en vue les normes du masculin et du féminin. Hein. C'est bien la raison pour laquelle, par exemple, Ludwig l'affirme clairement, les femmes ne peuvent pas avoir des orgasmes autonomes. Hein. Elles ont besoin des caresses des hommes, elles ont besoin des préliminaires des hommes et ces choses-là. Pas de plaisir après le coït. Méfiez-vous des femmes lascives. Les théologiens s'interrogent au XVIe siècle, dans près de 17 lourds traités en latin, sur la légitimité de la masturbation post-coïtale de la femme. Les médecins s'accorderont à dire que seul s'impose le coït thérapeutique, un exercice régulier des organes, afin d'être en bonne santé. Car une grande crainte s'étale sur deux siècles en passant par le siècle des Lumières, la masturbation. Le célèbre docteur Lallemand, connu pour ses travaux sur les inquiétantes pertes séminales involontaires, écrit « J'ai acquis la certitude que je m'étais trompé sur la véritable cause des promenades solitaires de Rousseau. De sa vie ambulante, de sa misanthropie sauvage et de ses étranges paradoxes contre la civilisation, il m'a suffi d'ouvrir ses confessions. Caresseur et caresseuse, passez votre chemin. » Le clitoris à peine entrevu et chatouillé est sommé de se faire oublier devant un organe à la fonction essentielle, l'utérus. Ce qui est fondamental aussi, c'est que ça arrive au même moment où se met en place quand même une interrogation très forte sur les questions de politique nataliste, de gestion sociale de la reproduction et de contrôle en fait du corps des femmes dans le cadre d'une injonction, en fait, à la reproduction. Elsa Dorlin, philosophe. Disons que, à la fin du XVIIIe siècle, ou le dernier tiers du XVIIIe siècle, dans un contexte où un certain nombre d'auteurs, philosophes, sont très inquiets, par exemple, des questions de dépeuplement. L'inquiétude du dépeuplement de l'Europe, l'inquiétude du dépeuplement de la France. On accuse évidemment les épidémies, les guerres, mais on accuse aussi énormément la colonisation qui viderait en fait la France de ses populations. Et donc l'injonction, enfin la nécessité de contrôler la reproduction va passer par la nécessité de contrôler la reproduction féminine et donc le corps des femmes. Et le corps des femmes devient un enjeu. auquel cas il va falloir penser, malgré tout, en quoi la spécificité du corps féminin passe par sa finalité, qui est la reproduction, et donc la disparition, au fond, du questionnement sur le plaisir féminin. Oui, le clitoris, c'est un organe qui apparaît et qui disparaît. Delphine Gardet. Il apparaît, donc on l'a vu vers le 16e, 17e siècle, il apparaît trop, et donc du coup, il faut peut-être qu'il disparaisse. Donc la question qui se pose ici, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui peut faire l'objet de savoir, ou à quel type de choses on s'intéresse, et quels sont les enjeux qui sont liés à la production de savoir à propos de l'anatomie, de l'organe, de la sexualité. Alors évidemment, on doit retenir le fait que dans l'histoire sociale, culturelle, scientifique de l'Occident, le masculin à la fin du XVIIIe siècle est défini comme le générique, l'universel, hein. De même que le droit de vote masculin est dit universel, alors qu'il est masculin, on peut le rappeler, ça a pris du temps à être compris, hein, il faut rappeler que ça a pris du temps à être compris. De la même façon, le corps masculin est générique, universel, neutre. En revanche, le corps féminin est spécifique, différent, un corps à connaître, à entreprendre, à découvrir comme un territoire à coloniser, d'une certaine façon, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Hein, on peut vraiment penser le corps féminin comme un territoire à coloniser, qu'il soit le corps féminin des femmes blanches et occidentales ou le corps des femmes colonisées, des sujets coloniaux eux-mêmes, qui fait l'objet d'aucune vergogne là, dans la conquête ou le discours. 1886. Nous observons le développement exagéré des nymphes aux petites lèvres qui peuvent atteindre jusqu'à 15 et 18 cm de longueur et qui pendent entre les cuisses de la femme à la façon d'un pénis flasque et inerte. Raphaël Blanchard, sur le tablier des femmes bauchimanes. Alors, évidemment, en fait, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une définition normative Elsa Dorlin. De la féminité, mais aussi une nouvelle définition de la sexuation des corps. Cette fois-ci, il va effectivement avoir une rupture. Le modèle pour penser la sexuation, c'est la différence des sexes, la différence sexuelle, avec cette idée que pour construire finalement la définition normative de la féminité, on va non seulement avoir une opposition avec le corps masculin, c'est-à-dire il n'y a pas du tout les mêmes organes, il n'y a pas du tout les mêmes fonctions, il n'y a pas du tout les mêmes privilèges, il n'y a pas du tout les mêmes mécanismes organiques, etc. Et qui va également différencier à l'intérieur du groupe des femmes, les femmes qui sont typiquement femmes, de figures relativement monstrueuses qui mettraient en crise cette définition dominante de la féminité. Mais ces figures repoussoires désignent toute l'idée que, à la négative, ce qu'on est en train de décrire, c'est un corps féminin qui est fondé sur une définition du sexe féminin qui est tout entier réductible à la reproduction. Et pour que ça soit tout entier réductible à la reproduction, alors, même d'un point de vue intellectuel, l'ensemble de la réflexion se concentre sur l'utérus. Là, dans ce cadre-là, quasiment le sexe, les lèvres, le clitoris, évidemment, et la question du plaisir sont totalement éradiqués, ou alors sont criminalisés, pathologisés. C'est-à-dire que toute la question du plaisir féminin devient le signe d'une féminité pathologique. Après, le clitoris ou la vulve, d'une manière générale, elle va être... Sylvie Chaperon. Elle est aussi le siège d'un double diagnostic de pathologie, effectivement. C'est un, quand il y a des pratiques lascives licencieuses. Donc, on dit que le clitoris est allongé, les lèvres sont allongées quand il y a une masturbation, quand il y a du tribadisme, quand il y a du lesbianisme, une lascivité excessive, et là on désigne, je reprends le terme, les négresses d'Afrique, hein, qui sont connues pour être beaucoup plus lascives, avoir un tempérament beaucoup plus chaud, et donc avoir des organes génitaux plus développés. Donc la vulve peut être vue comme ça, comme un indice d'une sexualité excessive, pathologique, anormale, et dans le grand partage des deux sexes, il faut bien dire où est le masculin, où est le féminin. Dès que le clitoris a une longueur jugée excessive, si elle dépasse les 2-3 cm, on estime que c'est excessif et qu'il y a là quelque chose de l'hypervirilisation, de l'hermaphroditisme, et ça peut donner lieu effectivement à des clitoridectomies qui est pratiquée. Hein, de façon sans doute très ancienne, puisque les anciens nous disent qu'il y a la ce qu'ils appellent la nymphotomie dans l'Antiquité, auprès des Égyptiennes notamment, mais du Moyen-Orient plus généralement. En Occident, on a des témoignages dès le XVIIIe siècle de clitoridectomie pratiquée par des médecins. Il faut rapporter que les mères pratiquent sur le clitoris de leur fillette, et dès le très jeune âge, des tractions fréquentes ayant pour but d'allonger et de développer cet organe dans l'intention avouée d'augmenter dans la suite les jouissances voluptueuses au moment des rapports sexuels. Raoul Claire-Joseph Gaillard, étude sur les lacustres du Badaoumé. Ce qu'on peut caractériser, Elsa Dorlin, c'est qu'en cette fin du XVIIe siècle, tout au long du XVIIIe siècle, ce qui est travaillé d'un point de vue paradigmatique et qui constitue vraiment le socle de la modernité, ce qui a été pensé ailleurs comme une pensée naturaliste, de la différence, etc., c'est l'idée que la sexuation permet de produire de la race et inversement, en fait, la racisation nourrit en fait la définition de la différence sexuelle. Donc c'est vraiment, les deux sont pour le coup totalement imbriqués. C'est-à-dire qu'à la fois les figures repoussoires de la féminité, on va retrouver en fait des formes de production. Enfin, on voit bien comment il suffit de masculiniser certaines femmes pour les sortir de la définition normative de la féminité. Et les masculiniser, ça va également être les masculiniser d'un point de vue anatomique. Donc c'est les lèvres démesurées, c'est le clitoris démesuré, à tel point qu'il y a, d'ailleurs des clitorectomies, par exemple, qui sont effectuées sur le corps des femmes au XVIIIe siècle comme traitement de l'hystérie ou comme traitement, par exemple, de la nymphomanie. Par exemple, pour les prostituées, les femmes du peuple, les nymphomanes ou toute femme qui témoignerait d'un comportement, d'une contre-conduite, un comportement hors norme par rapport à ce qui est attendu, on va considérer que ce comportement est pathologique ou exceptionnel. C'est-à-dire, par exemple, déformation anatomique exceptionnelle, pathologie, maladie, dérèglement humoral, etc., etc. Donc, il y a une forme de pathologisation. Chez les femmes esclavagisées, ce que les traités nomment les femmes africaines, les femmes noires, les femmes, les négresses, etc., on va considérer que c'est pas une pathologie, mais que c'est un trait anthropologique. C'est-à-dire la virilisation, l'inversion des caractères sexuels secondaires, les humeurs, etc., ne constituent pas un cas exceptionnel ou pathologique, constituent la définition anthropologique d'un groupe qui est la race noire. Et dans lequel, par exemple, tous les auteurs s'accordent, tous les naturalistes, Linné, Buffon, Linné, etc. Donc c'est vraiment le XVIIIe siècle, on n'est même pas encore dans une pensée racialiste du XIXe siècle. Ces auteurs-là considèrent que les caractères sexuels secondaires sont soit moins marqués dans ce qui va devenir, en fait, ce qui va caractériser les races inférieures, soit sont inversés. C'est-à-dire qu'il y a une mutation de genre, c'est des mutants. Les femmes sont extrêmement virilisées et au contraire, les hommes sont dévirilisés. Il est difficile donc de percevoir ou d'arriver à se représenter l'influence des médecins, même sur la question de la discipline ou de la discipline des corps. Oui, c'est difficile. Et là, sans doute, on a quand même un héritage catholique assez important. Sylvie Chaperon. Puisque vous savez, dans la religion catholique, il y a une dichotomie très forte entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le corporel. Et donc, c'est l'esprit qui doit contrôler le corps. Donc, il y a toujours cette métaphore du cavalier sur un cheval. Le corps, c'est le cheval, il faut le dompter, il faut le contrôler. Et là, vous avez effectivement ce discours qui est passé du modèle religieux au modèle médical, presque sans changement, enfin, sauf de terminologie, où effectivement les médecins vous affirment qu'il faut effectivement ne pas avoir une sexualité débridée. Le maître mot, c'est mesurer, des pratiques sexuelles modérées, pour les hommes comme pour les femmes, mais surtout pour les femmes. Et donc la masturbation, mais aussi les coïts excessifs, l'adultère, tout ça est mauvais pour la santé. Comment dire, il y a une circulation des savoirs entre le savoir populaire et le savoir savant. On trouve finalement à peu près les mêmes idées exprimé scientifiquement chez les savants que exprimé de façon beaucoup plus vulgaire dans des ouvrages qui ne sont pas médicaux. C'est difficile de savoir qui a pris à quoi, d'ailleurs, hein, parce que les médecins empruntent aussi, enfin partagent des visions de la culture populaire. Mais bon, il faut bien quand même garder en tête que la médicalisation de la société, elle n'est pas aussi poussée au XIXe siècle qu'aujourd'hui. À l'époque, aller voir le médecin, c'est assez rare, en tout cas pour la grande masse des Français. Donc la médicalisation de la société est peu poussée, et donc l'influence des médecins, elle est essentiellement dans les classes aisées, les classes bourgeoises, qui connaissent la médicalisation, encore relativement faible au XIXe siècle en tout cas. Mademoiselle, âgée de 10 ans, d'une constitution vigoureuse et d'un système musculaire bien prononcé, s'était livrée à l'onanisme depuis l'âge de 2 ans. Elle devait cette habitude à sa bonne, qui, ayant remarqué qu'en lui chatouillant le clitoris, elle apaisait ses cris, ne se fit pas faute d'employer ce dangereux expédient. Cette petite fille apprit de la sorte à porter les mains sur elle, et l'habitude, une fois prise, acquit chaque jour plus d'empire, ce qui finit par causer une détérioration physique et morale profonde. C'est alors qu'en désespoir de cause, on eut recours aux moyens mécaniques. Un appareil construit par Monsieur Lafont fut appliqué. Mais quoique cet appareil parût isoler entièrement les parties génitales et les préserver de toute espèce d'attouchement, la malade parvint à surmonter ce nouvel obstacle. Les efforts qu'elle faisait pour pénétrer à travers le tissu serré qui s'opposait à ses manœuvres avaient fini par l'enfoncer dans les chairs et à creuser ainsi une plaie dont les douleurs, quoique très vives, ne la retinrent pas. Il y avait déjà 8 ans qu'elle se livrait à l'onanisme. Tous les moyens tentés l'avaient été vainement et on pouvait craindre qu'elle tombât dans l'idiotie et l'épuisement. Sans aller jusqu'à l'ablation du clitoris, on recommande aux mères de surveiller leur fille en dormant avec elle. Certains vêtements de contention sont créés aussi pour éviter la masturbation. Oui, il y a même des industries qui fabriquent des bandages, hein, qui se spécialisent dans la construction de tenues pour éviter la masturbation, donc qui peuvent être effectivement en tissu, très près du corps, et qui visent à éviter les contacts entre les doigts et le sexe, hein, donc à faire une sorte de coquille métallique sur la vulve, de façon à ce qu'on ne puisse pas... Après, ça c'est très coûteux, surtout pour des enfants qui changent de taille chaque année. Donc ça c'est vraiment réservé à l'élite, mais on va dire pour tout le monde, c'est attacher les mains ou à minima demander dans les pensionnats notamment à ce que les mains soient en dehors des draps, hein, au-dessus des couvertures. Et puis vous avez aussi des camisoles, hein, où on met les mains dans des grandes manches qui sont nouées, hein, de sorte à ce qu'on ne puisse plus avoir les mains pour se tripoter. Et les médecins décrivent comme ça l'habileté diabolique, hein, parce que souvent, il y a un petit retour du vision de la petite fille possédée par le démon, hein, cette l'habileté diabolique des petites filles à contourner tous ces engins, tous ces stratagèmes pour arriver... D'autant que les filles sont en quelque sorte un peu privilégiées, puisqu'il suffit qu'elles serrent les cuisses fort. Hein, donc, c'est pas si évident de repérer la masturbation, donc c'est une double vigilance, hein, des médecins, des parents, et puis des petites filles qui, à lire les médecins, n'ont qu'une envie, c'est de contourner toutes ces restrictions pour continuer à se masturber. Lorsqu'un mensonge absurde, Marie-Lou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, mais son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace, un peu de bleu lavasse de sa paire de Lewis, et tandis qu'elle exhale un soupir au menthol, ma débile mentale, perdue en son exil, physique et cérébrale, joue avec le métal de son zip et la tonne de corail à part. Elle s'y Coca-Cola, un doigt qui en arrêt au bord de la corolle, est pris près du calice, du vertige d'Alice, de Lewis, Carole. Et c'est vrai que quand on a ces observations des petites filles qui se masturbent, alors parfois 30 fois par jour, qui sont hyper habiles à le faire et de déjouer la surveillance des adultes, on a effectivement l'impression qu'elles sont possédées par la masturbation, comme les petites filles étaient possédées par le diable autrefois. Parce que la masturbation est vue, jusque dans les années 1870-1880, comme pathogène, voire mortel. Et alors, vous avez des observations cliniques assez fréquentes de médecins qui, comme ça, suspectent la masturbation, font avouer la petite fille ou son entourage, mettent en place des traitements, et notamment de surveillance pour éviter la masturbation, et vont jusqu'à la clitoridectomie, qui parfois se révèle être absolument miraculeuse. C'est-à-dire des enfants attardés qui ne faisaient que baver sur une chaise, tout d'un coup, après la clitoridectomie, vont devenir de bonnes pianistes, des jeunes filles accomplies, sachant recevoir, jouer leur rôle de maîtresse de maison, etc. Il y avait déjà 8 ans qu'elle se livrait à l'onanisme. Tous les moyens tentés l'avaient été vainement et on pouvait craindre qu'elle tombât dans l'idiotie et l'épuisement. C'est alors que ses parents se décidèrent, après une longue hésitation, à laisser faire l'excision du clitoris. L'opération fut pratiquée le 26 juin 1834 par monsieur le docteur Jobert avec un succès complet. Léopold Deslandes, de l'onanisme. Alors, bon, ça reste quand même assez minoritaire, ce genre d'observation médicale, mais on en trouve, on en trouve par dizaines. Et plutôt dans les classes bourgeoises. Et plutôt dans les classes bourgeoises, sauf alors pour les enfants qui sont abandonnés justement dans les hospices ou dans ce qu'on appelle les asiles d'aliénés, qui peuvent être des petites filles donc abandonnées. Et là, ça va être du matériel un peu, on va dire... du matériel chirurgical. Des cobayes. Oui, des cobayes. Ce qui est aussi assez déroutant, parce que, évidemment, les historiens, on n'est pas de marbre, et on s'attache à ces petites filles dont on a juste une toute petite fenêtre par un regard médical à un moment, et on se dit, mais... ces petites filles, parfois, elles sont abusées par leur père ou abusées par... des membres de la famille, et elles sont traitées de vicieuses, elles sont traitées de menteuses, elles sont traitées de nymphomanes, c'est elles qui auraient provoqué. Les médecins disent qu'elles ont une connaissance de la sexualité qui n'est pas de leur âge. Et donc, plutôt que de suspecter une initiation adulte abusive, ils vont suspecter un caractère vicié. Elles sont vicieuses, ça vient de la dégénérescence. Et donc le tort est porté sur elle toujours. Et quand on est historienne, bon, on est triste pour ces petites filles. On se dit, quand même... De toute façon, le 19e siècle, le siècle de la grande oppression. Delphine Gardet. Donc on est complètement omnubilé par l'onanisme, la masturbation, et on vise vraiment à contrôler la sexualité des femmes. La virginité des femmes est une valeur et une vertu. Et donc il ne faut aucune forme de pollution à cette virginité. Les jeunes filles sur les machines à coudre ou les machines, on craint qu'elles n'utilisent les pédales des machines à coudre pour se masturber. Enfin, il y a toute une série de recommandations hygiéniques. On doit les jeunes filles, les jeunes femmes de la bourgeoisie doivent toujours avoir les mains occupées à un ouvrage, à la broderie, à du dessin, etc. Parce qu'on ne veut pas que leurs mains soient inoccupées. Bon, tout le 19e siècle est rempli de l'obsession du contrôle de la sexualité des femmes. Mais il est aussi présent dans des pratiques thérapeutiques problématiques. Rachel Maines, par exemple, qui a écrit une histoire du vibromasseur, donc c'est une historienne des technologies américaine, eh bien, elle montre aussi qu'il existe tout un pan, donc qui a été travaillé par les historiennes de l'hystérie et par d'autres aussi, antérieur de ces pratiques médicales, qui consistaient donc à soigner l'aliénation, entre guillemets, des femmes, par des douches, l'hydrothérapie, toute une série de manipulations qui étaient souvent des manipulations clitoridiennes. Alors, soit elles étaient exercées directement par les médecins, Soit les médecins faisaient exercer ces manipulations par des tiers, par des femmes, par des assistantes, ou bien alors on avait donc toutes ces thérapies de la douche, hein, du massage, on a eu toute la vogue donc de l'électricité, des tables électriques, enfin, toute une série de choses qui ont été inventées. Donc on a une débauche d'inventions qui vise à essayer de soigner ce qu'on considère comme étant des troubles, alors qu'on pourrait dire hystériques ou aliénants des femmes, par la masturbation médicale. Et c'est intéressant de restituer ce genre de pratique parce que en parallèle, on a aussi toute une clinique occidentale de la clitoridectomie, hein, c'est-à-dire de l'excision médicale pour soigner d'autres troubles ou les mêmes. Donc, au fond, on a deux branches d'investissement médical sur le clitoris. Donc, on sait bien que le clitoris, on sait de mieux en mieux à quoi sert le clitoris. Et on a des pratiques cliniques qui visent soit à masturber les femmes, soit à les empêcher d'avoir du plaisir clitoridien. Cette machine à coudre n'est plus seulement pour la femme une cause prédisposant à la manialisation comme d'autres exercices physiques. Elle agit directement par l'ébranlement que la pédale dans son mouvement de va-et-vient imprime à la partie inférieure du tronc. Le mécanisme du frottement des grandes lèvres sur les petites et la chaleur en résultant provoquent fréquemment l'onanisme. Elle en est même un moyen direct et isolé, comme plusieurs médecins ont pu s'en convaincre en visitant les ateliers où elle fonctionne en grand nombre. En voici un exemple. Au milieu du bruit uniforme d'une trentaine de ces machines, l'une d'elles fonctionne subitement avec plus de vitesse. L'ouvrière était une brunette de 18 à 20 ans. Tandis qu'elle poussait automatiquement le pantalon en confection sur la tablette, on voyait sa figure s'animer, sa bouche s'entrouvrir, ses narines se dilater et le va-et-vient des pieds entraîner les pédales dans un mouvement toujours croissant. Bientôt, les yeux se convulsèrent et l'on vit les paupières s'abaisser, la tête pâlir et se renverser en arrière, les mains et les jambes s'arrêter, se détendre, et un petit cri étouffé, suivi d'un long soupir, se perdit dans le bruit de l'atelier. Après cette pâmoison, ou plutôt ce spasme de quelques secondes, l'ouvrière prit son mouchoir, s'essuya les tempes perlées de sueur, jeta un regard timide, honteux, égaré sur ses compagnes, et se remit à travailler. Pierre Garnier, médecin de la marine revenu au civil, l'onanisme mécanique. 1883. Alors, concernant le clitoris, à partir de 1800, on sait que l'orgasme n'est pas indispensable à la reproduction. Bon, alors si l'orgasme n'est pas indispensable à la reproduction, peut-être que ça joue un rôle dans le fait qu'on s'intéresse plus tellement au plaisir féminin. Avant, comme on imaginait qu'il fallait qu'il y ait du plaisir pour concevoir, on pouvait peut-être davantage s'y intéresser. Donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de caractère linéaire du progrès des sciences ou de la médecine, hein, et que des conceptions peuvent en fait exister à des époques, hein, qui remettent en arrière du temps, hein, certaines approches. Delphine Gardet, une femme assez étonnante apparaît fin du 19e, début 20e, qui se nomme Marie Bonaparte et qui s'inquiète beaucoup du plaisir féminin et qui s'intéresse au clitoris. Oui, Marie Bonaparte écrit un texte qui est assez inouï, très singulier dans l'ensemble de ce qui a été produit à propos du clitoris en termes de connaissances. Donc il faut comprendre qu'elle est donc une disciple mécène de Freud, et donc il faut peut-être dire ce que dit Freud pour pouvoir comprendre ce que dit Marie Bonaparte. Bon, mais au fond, Freud va effectivement thématiser cette idée suivant laquelle les femmes, pour devenir adultes, doivent renoncer à la sexualité infantile, qui est justement la sexualité clitoridienne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de penser que Freud voit vraiment le clitoris comme un petit pénis. Et donc, au fond, pour que les femmes deviennent des sujets femmes dans la vérité de leur être femme, et donc pour qu'elles adviennent dans les sociétés dans lesquelles elles vivent, celles des années du début du XXe siècle en Europe, il faut qu'elles s'orientent vers une sexualité vaginale et pénétrative, qui est la seule destinée, qui est la leur, finalement. Donc, elles doivent renoncer au plaisir clitoridien, elles doivent changer d'objet, de focalisation. Bon. Marie Bonaparte, elle se trouve dans une situation un peu compliquée, puisqu'elle est absolument donc fidèle, pour l'essentiel, à l'orthodoxie freudienne, et en même temps, elle essaye de comprendre ce qui a cours. Et elle se pose les questions en théorie et en pratique, en Orient et en Occident. Et ça, c'est très, très particulier. Parce qu'elle va donc écrire, par exemple, à des médecins allemands et viennois, dont elle sait, par des collègues, qu'ils ont pratiqué des clitoridectomies à des femmes de la bonne société de l'époque. Donc, on est en 1920. Hein, et donc, on a des femmes qui ont été excisées hein, médicalement pour régler des problèmes amoureux, physiologiques, médicaux, on ne sait pas exactement lesquels. Marie Bonaparte écrit pour savoir quels sont les résultats. Est-ce que ces femmes ont une sexualité meilleure? Est-ce qu'elles arrêtent, pour certaines qui étaient dites un peu compulsives dans leur fonctionnement masturbatoire, de se masturber? Est-ce que l'entente conjugale est meilleure une fois qu'il a été procédé à l'abrasion ou à l'enlèvement du clitoris? Et puis, en même temps, elle enquête et elle regarde ce que disent les anthropologues sur ce qui se passe dans d'autres sociétés humaines. Et elle thématise une sorte de symétrie entre ce que l'Occident fait et ce qui se passe en Afrique. Et elle dit, on n'a pas besoin en Occident de couper ou d'enlever le clitoris, puisque, au fond, l'intimidation psychique quant à la sexualité dans laquelle ont été élevées les femmes, et en particulier ces femmes qui sont les clientes de la clinique analytique, donc des classes bourgeoises et supérieures des sociétés européennes, donc cette intimidation fait qu'au fond, elles ont été castrées, hein, ou psychiquement, en fait. Et donc, l'insensibilité, finalement, sexuelle des femmes tient à cette éducation, à ces angoisses, donc que ce soit le prêtre, le médecin, le patriarcat, enfin, on peut mettre tous les noms qu'on veut, tout ce qui, finalement, façonne des rôles et des conduites dans des interdits qui empêchent ces femmes de pouvoir, finalement, ressentir du plaisir de façon libre, puisque tout, du point de vue moral et médical, leur indique qu'elles n'ont pas le droit à ce plaisir, qu'elles doivent l'abroger, qu'elles sont défaillantes si elles y consentent, qu'elles ne pourront pas prendre de place dans la société si elles s'y complaisent. Marie Bonaparte dit finalement, nous avons pour l'essentiel l'intimidation psychique en Occident. Une excision. L'excision psychique. Et dans d'autres sociétés humaines, finalement, parce que finalement aussi le plaisir des femmes pose problème, eh bien, on fait une excision matérielle. Alors Marie Bonaparte, moi, je la trouve très intéressante, bien qu'elle ait été constamment dénigrée. Sylvie Chaperon. De son vivant, elle était reconnue comme étant tout à fait importante. Mais Marie Bonaparte, je la trouve très intéressante. D'abord parce qu'elle commence sa carrière scientifique par un article sur le clitoris. Faut oser quand même. Hein. Donc là, on est en 1924. Elle n'est pas médecin. D'ailleurs, elle publie sous pseudonyme, hein, docteur Narjani. Elle n'est pas médecin, mais elle a réussi, sans doute par des amitiés, à avoir 200 cas cliniques de femmes, dont elle a pu examiner la vulve. Et elle a fait aussi une grande enquête interrogeant plusieurs centaines de femmes sur leur pratique sexuelle. C'est la première à le faire. Et sa question, elle n'est pas du tout reproductive. Pas du tout. Elle n'est même pas conjugale. Elle s'intéresse au plaisir féminin. Qu'il soit donné par des hommes, par des femmes ou par la masturbation. Donc elle est extrêmement moderne. Mais après, elle partage cette idée que l'acte sexuel normal, c'est le coït. Et elle se rend compte que pour beaucoup de femmes, bah, le coït n'apporte pas le plaisir, à commencer par elle-même. Hein. Et c'est une, comme elle se dit, c'est une ardente, c'est une grande amoureuse. Elle a eu beaucoup d'amants et la sexualité tenait une place importante chez elle. Mais elle était frustrée parce que le coït ne la faisait pas jouir. Et donc elle s'est demandé, est-ce que je suis seule ou est-ce qu'on est nombreuses? Elle fait une enquête, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas toute seule. Sauf qu'elle donne une explication anatomique. Pour elle, c'est la distance entre le clitoris et l'ouverture vaginale qui explique qu'on ait ou pas du plaisir. Quand le clitoris est très près du vagin, c'est ce que postulait Cobalt, hein, y a le plaisir. Quand il est très loin du vagin, il n'est pas stimulé par la verge pendant la pénétration, donc il n'y a pas le plaisir. Et au lieu de proposer une pratique sexuelle nouvelle, qui permettrait de stimuler le clitoris autrement que par la pénétration vaginale, elle propose une opération chirurgicale des femmes. Donc adapter le corps des femmes à ce qui est vu comme étant l'acte sexuel pour tous les penseurs de son époque. L'anatomie de la vulve permet de diviser les femmes en trois groupes suivant la distance qui sépare le clitoris du méate urétral. Para, méso et téléclitoridienne. Ces dernières, chez qui l'écartèlement est de plus de 2,5 cm, sont anatomiquement incapables de réactions voluptueuses normales. La théorie des habitudes vicieuses et celle des innervations variables sont erronées. La pathogénie anatomique permet d'imaginer une cure opératoire de la frigidité. Docteur Narjani ou Marie Bonaparte. Delphine Gardet. Elle ne s'en sort pas facilement pour autant, en fait, Marie Bonaparte, puisqu'on sait qu'elle-même, pour pouvoir vérifier par sa vie sexuelle et personnelle ou la théorie freudienne, elle a procédé à ce qu'on appelle à plusieurs opérations qui consistaient à une résection, qui consistait donc à rapprocher son clitoris du vagin, donc avec cette idée qu'elle atteindrait plus facilement ce qui était donc recommandé par le maître, qui était l'orgasme vaginal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une personne qui, dans son entreprise de pensée, est confrontée à des conflits de loyauté et d'expérience, de pensée autonome et de pensée dans le cadre d'un dogme. Donc on retrouve la même question que celle de savoir comment on peut penser dans un cadre paradigmatique avec et sans, quelle place on peut faire à d'autres hypothèses. Et ces troubles et ces conflits, elle le vit jusque dans sa chair et dans son expérience matérielle et corporelle en tant que femme, avec ses opérations. Et elle cherche ensuite un chirurgien pour la mettre en pratique. Sylvie Chaperon. Et elle trouve effectivement un chirurgien, le docteur Alban de Vienne, qui accepte de l'opérer. Alors son opération, c'est on coupe le ligament suspenseur du clitoris, parce que c'est lui qui maintient le clitoris fixe, en espérant qu'il va s'affaisser, s'abaisser. Et également, on coupe une petite partie entre le clitoris et l'entrée vaginale pour le rapprocher. C'est un échec pour son cas. Alors, elle ne le dit pas explicitement, mais elle dit que voilà, l'opération mise au point avec Alban a donné lieu à 4 ou 5 expérimentations, dont une qui est furieuse parce que ça ne marche pas du tout, et on peut penser, vu son tempérament, que c'est elle qui est furieuse, que ça ne marche pas du tout. Mais elle ne le dit pas, évidemment, comme ça. La panique sexuelle, avec Sylvie Chaperon, historienne de l'histoire du féminisme et de la sexologie française, Alain Corobin, historien des sensibilités, Elsa Dorlin, philosophe, Delphine Gardet, historienne et sociologue spécialiste des questions de genre. Avec la voix de Anne Stephens, texte lu à découvrir et d'autres encore dans le recueil de Sylvie Chaperon, Les médecines du sexe et les femmes, anthologie des perversions féminines au XIXe siècle. Merci à Anne-Lise Signoret pour la documentation. Au-delà du clitoris, un documentaire de Nejma Bouakra. Coordination, Perrine Kervran, accompagnée de Marie-Vonne à Bolivier. Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avant le cours d'anatomie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 3e épisode, se reconstruire.